Conspire, O-N-E-R. Mani, Emergence volume 2. T'as pas besoin de mon CV pour entendre que ça kick sale. J'fais que découper des beats gratte, j'suis possédé, j'débite grave. Il suffit d'écouter pour comprendre que j'ai la bite dalle. Pour moi la zig c'est vital, même si j'vis pas ce que j'pique grave. J'me vends pas comme une pute slave pour faire un buzz éphémère tout naze. Le cul nu dans mon clip pour plaire aux hipsters sous tasse. Tellement d'MC perdus non plus de repères. Déboussolés par le bise, ils finissent placés en pose missionnaire. Le style de la maison c'est le fat, l'état d'esprit les potes. Ambiance bédo et Jack la night comme à la bonne époque. Rien que ça griffonne des blocs, ça pose, envoie des gros tracks. J'fous l'industrie dans les cordes, le rap jeu va finir knockout. C'est tôt le matin qu'on émerge, hey, dis-toi qu'on débarge. C'est le bon rap qu'on héberge, ouais, te trompe pas d'étage. On reste toujours à la base, solide sont les fondations. Experts en agitation, freestyle de présentation. C'est tôt le matin qu'on émerge, hey, dis-toi qu'on débarge. C'est le bon rap qu'on héberge, ouais, te trompe pas d'étage. On reste toujours à la base, solide sont les fondations. Experts en agitation, freestyle de présentation. Tu sais qui je représente, et que pour rapper je réponds toujours présent. Ouais, je me présente, O-N-E-R, je suis le mec qui est loin d'être complaisant. Mais complaisante, je trafique mon avenir en douce, j'applique ma rime en douce. Et puis je fume un spliff décompressant. J'aurais déjà arrêté si je faisais du rap pour de l'espèce. Le hip-hop, la soul et le jazz en mon espèce en express. J'lâche des rimes rapides, c'est pire qu'un TGV, on déstresse. De notre propre thérapie ou peut-être quand je décéderai chaque matin. Je me dis je veux pas crever comme Jacques Martin. Ça part d'un bon sentiment, tout ce que j'ai dans le sac matin. Des fois je fais des cauchemars abominables et je ferai tout pour pas mourir au fond dans un lit d'hôpital. C'est tôt le matin qu'on émerge, hey, dis-toi qu'on débarge. C'est le bon rap qu'on héberge, ouais, te trompe pas d'étage. On reste toujours à la base, solide sont les fondations. Experts en agitation, freestyle de présentation. C'est tôt le matin qu'on émerge, hey, dis-toi qu'on débarge. C'est le bon rap qu'on héberge, ouais, te trompe pas d'étage. On reste toujours à la base, solide sont les fondations. Experts en agitation, freestyle de présentation. Sur un beat salon dit que ça tue. Encore un freestyle où l'équipe sature. Un Mike et j'kick Saturne. Non, j'rigole, décolle, déconne. À l'air libre et depuis l'époque, smoke des cônes. Comme c'est pas permis, on vit la course au bifton. Et les grands sont du père. Les petits t'appellent fiston. Car ils gagnent ce que tu perds. Été comme hiver, on calcule pas les histoires. Dans la rubrique fait divers. Un mort de plus ce soir. Et on fait quoi à part le menter. Enfin quoi à part les mater. Derrière l'œil comme des matons. Et ça commence même le matin. Ouais, les médias veulent y mettre gars. La ligne média, nous on s'en tape. Dans l'immédiat, trop de dégâts. Depuis long time, frère, on s'en tasse. C'est tôt le matin qu'on émerge. Eh, hey, dis-toi qu'on débarge. C'est le bon rap qu'on héberge, ouais, te trompe pas d'étage. On reste toujours à la base, solide sont les fondations. Experts en agitation, freestyle de présentation. C'est tôt le matin qu'on émerge, eh, hey, dis-toi qu'on débarge. C'est le bon rap qu'on héberge, ouais, te trompe pas d'étage. On reste toujours à la base, solide sont les fondations. Experts en agitation, freestyle de présentation.